Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Alors bonjour à tous, c'est le retour des Potes Calés, après quelques mois d'absence on va dire. Et aujourd'hui on va faire un petit peu light, c'est-à-dire qu'on va parler de trailer, on va donner des avis sur un film et sur une série. Et pour commencer je te propose de parler du trailer de Bird of Prey. Donc ce trailer de film réalisé par Cathy Yan avec Margot Robbie. Et est-ce qu'on se demande si est-ce qu'il y a une autre actrice dans ce trailer, parce que j'ai pas beaucoup l'impression qu'on met en valeur les autres personnages, que ce soit Huntress ou Black Canary ou même René Montoya. Moi je pense que pour donc les fabuleuses aventures d'Harley Quinn, hein, je vois pas d'autres titres pour Bird of Prey. Ouais. On part sur le même truc que Suicide Squad. On a mis Will Smith en avant dans Suicide Squad, et on met Margot Robbie en avant dans Bird of Prey. Ah bon, c'était pas le Slipknot? Voilà, ouais, c'est, on notera l'absence de Slipknot au générique, ouais. Mais sinon, voilà. Ouais, mais bon, tout ce côté un peu flashy, comme on disait, moi ça me donne pas envie d'aller le voir, quoi. C'est peut-être parce que ça parle pas à mon côté féminin, justement, peut-être, cette histoire, mais... J'ai l'impression, tu vois, ils ont lancé un peu la mort de Girl Power au niveau du MCU. Mm-hmm. Notamment cette fameuse scène dans Infinity War. Ouais, ce plan iconique, on va dire, ouais. Voilà, tu vois, héroïque de la femme. Mm. Et là, c'est badass de la femme, mais chez les méchants, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu caricatural, cette image de la femme? L'image d'Harley est complètement caricaturale, mais le personnage d'Harley Quinn en lui-même, de toute façon, est complètement caricatural. Bon, hormis qu'il y a Margot Robbie dans le retour, mais c'est vrai que... Au niveau du marketing, c'est un peu une erreur parce que on met Bird of Prey en grand, tu l'as vu, et on met en tout petit Fabulous Emancipation of Harley Quinn. Alors qu'en fait, c'est un peu trompeur, c'est un film sur Harley Quinn, clairement. Bah, c'est clairement un film sur Harley Quinn, c'est la preuve. Je pense que de toute façon, on a attaqué en disant on va aller voir le film d'Harley Quinn. On s'est pas dit on va aller voir Bird of Prey. Parce qu'en plus, quand on a regardé le trailer, je t'ai dit Harley Quinn. Voilà, Harley Quinn. Puis après, je t'ai dit, tiens, au fait, c'est qui les autres? C'est tout à fait, ouais. C'est moi que je te dis que c'est sur des personnages qui ont été créés dans le Badverse. Donc Huntress, qui est logiquement dans la fille de Batman et de Catwoman, en fait. Et Black Canary, qui est une autre super-héroïne. Donc Harley Quinn, dans le comics d'origine, elle apparaissait pas. Mais là, on a, c'est un peu un argument commercial. Voilà, il y a un autre truc qui me dérange, c'est le côté le vilain, quoi. C'est j'aime bien Ewan McGregor, c'est un très bon acteur, mais moi, le fait qu'il porte pas de masque pour marquer justement le Black Mask, qui est un vilain de Batman, justement, lui il porte un masque et il est très menaçant. Là, il fait un peu bouffon dans le trailer pour moi. Ouais, puis Black Mask, son nom parle de lui-même, hein, Black Mask. Je pense que tout le monde fait anglais, masque noir. C'est un psychopathe parce qu'il a quand même été chercher le masque sur la tombe de ses parents qu'il a fait tuer lui-même, quoi, pour avoir tout leur argent. Et là, ça fait plus un bouffon qu'un super vilain. C'est ça. Puis on a l'impression que les hommes là-dedans, ils sont un peu idiots, quoi, imbéciles. Ils se laissent facilement le voir et puis ils se laissent casser les couilles. Oui, surtout parce que c'est vrai, cette scène où le mec commence à se plaindre parce qu'on lui écrase les parties, on va dire. Mais je sais pas, moi, ça me donne pas du tout envie d'y aller, quoi. Donc, mesdames, si vous voulez dominer les hommes, il y a autre chose à faire que leur casser les couilles. Enfin, le message, pour moi, il est pas subtil. Ouais, il est pas subtil du tout. Ouais. C'est clair que c'est pas la finesse qui domine ce trailer, dira-t-on. Non, puis tu dis, c'est super kitsch, c'est super agressif visuellement. Ah oui. Ouais, t'as des mélanges de teintes de jaune et de violette, quoi. C'est vachement girly, hein. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr qu'ils aient compris que les femmes, elles sont pas toutes girly, hein. Non, c'est juste des êtres comme nous, quoi. Non, c'est vrai que cette histoire de teintes, comme je disais, t'as tout à fait raison. Est-ce que on n'est pas un peu dans la caricature, finalement, quoi? Bah, ils veulent bien faire en montrant que les femmes ont du pouvoir. Mais comme tu dis, il tombe dans la facilité, dans la caricature, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage. Voilà, bon, on n'a rien à ajouter sur ce trailer qui nous a pas du tout fait donner envie. Non, bah, dans le trailer, on peut juste dire qu'ils insistent bien sur le fait qu'elle est plus avec le Joker. C'est ça. Il y a toujours, c'est la l'émancipation, on va dire, entre guillemets. Donc il n'y aura pas une Jared Leto. C'est pas trop tôt. Et voilà, quoi. On va peut-être passer à un deuxième trailer. On va parler un petit peu de Star Wars. Hein. Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Hein. Donc je vais. Star Wars, je connais pas très bien la France. Tu connais le général Hux et Kylo Ren. Bah ouais, que les personnages principaux. Les Jar Jar Binks. Des personnages très charismatiques, on va dire. Ah bah c'est ceux qui font toute la franchise eux-mêmes. On a un peu digressé, on va parler en fait de The Mandalorian. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc cette série avec qui est produite et réalisée par Jon Favreau. Donc Jon Favreau, on le connaît parce que c'est une figure marquante du MCU, notamment c'est lui qui joue Happy Hogan dans les films. Puis c'est quand même lui qui a boosté le MCU aussi. Ouais, aussi, grâce aux deux premiers Iron Man, on va dire. Le deuxième, je suis pas sûr, mais le premier Iron Man... C'est vrai que le deuxième est mauvais. Je suis désolé, le premier était très bon. Iron Man était très bon. C'est vrai que c'était vraiment un bon départ avec Iron Man, le premier du nom. Et là, il revient aussi. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, de Jon Favreau dans Speed. Mais là, il a vraiment tenu le projet à bout de bras pour nous offrir... une autre vision de Star Wars. C'est vraiment quelque chose à part. C'est-à-dire que on va plus vous présenter les Jedi, les Sith et l'Empire et toutes les figures marquantes de l'univers. C'est que maintenant, on va s'intéresser aux chasseurs de primes. Et quelque part, quand on dit chasseurs de primes dans Star Wars, finalement, on pense à Boba Fett tout de suite. Hein. Bah, tu vois, là, tu dis chasseurs de primes, ouais. Star Wars. Oui, je pense à Boba Fett et je réfléchis, je trouve pas d'autres noms. Non, il y a que lui qui est vraiment marquant dans l'univers. Même si on va dire, je vais répéter quand même qu'il fait que 7 minutes dans la trilogie et il se fait bouffer un petit peu de manière ridicule. Il finit un peu de manière ridicule dans le Jedi. En fait, Boba Fett c'est le Slipknot de l'univers Star Wars. C'est un peu ça, c'est ça le problème. Mais il y a tellement de charisme chez les fans que ils ont décidé de faire un personnage dérivé de cette espèce de chasseur de primes qui, on voit dans ce trailer, qui a beaucoup de capacités, qui traque les hommes qui sont recherchés, les vilains qui sont recherchés morts ou vifs, pour le compte de, on voit dans le trailer qu'il est incarné, je pense qu'il va garder son masque lui par contre, par Pedro Pascal, qu'on l'a vu dans Game of Thrones. Et aussi, on voit aussi l'acteur qui faisait Apollo Creed dans Rocky, c'est Carl Weathers. Il y a aussi au casting l'ancienne combattante de MMA, c'est Gina Carano, qui incarne le personnage de Cara Dune, qui va être apparemment une partenaire du Mandalorian. Et là, déjà, on voit déjà une démarcation de l'univers Star Wars. C'est-à-dire qu'on est plus dans l'action, dans le côté un peu loup solitaire du personnage. Enfin, moi, j'ai été emballé, donc c'est une série qui va commencer à l'arrivée de Disney+, c'est-à-dire le 12 novembre. Et moi, j'ai envie de dire, enfin du neuf dans Star Wars. Enfin, je sais pas quelle impression que ça te donne, quoi. Moi, quand j'ai vu ce trailer, j'ai pas eu l'impression de voir un trailer Star Wars, en fait. J'ai eu l'impression quand j'étais tout petit, de voir un trailer pour, je sais pas, des films super comme Le Bon, la Brute et le Truand. C'est ça. Ou pour quelques dollars de plus. Enfin, tous des trucs comme ça, Les 12 salopards, enfin voilà. J'ai eu l'impression de voir un huis clos pour un western et ça m'a bien branché. Ouais, les sept mercenaires. Les 7 mercenaires, ouais. Ou les 12 salopards. Ouais. Mais les 12 salopards, c'est sur la guerre. C'est vrai que, comme tu le dis fort justement, c'est justement ce côté westernien qui ressort de ce truc. Avec les plans, avec les plans de duel et tout ça, c'est très Sergio Leone, quoi, finalement. Bah ouais, on dirait un film de western spaghetti, mais dans l'espace. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait. Pas de la cabine cowboy envahisseur non plus, faut pas déconner. Attends, attention, il n'y a pas de bolognaise. Mais sinon, voilà, c'est un truc, tu te dis, déjà, tu vois qu'il y a de l'action, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, le peu qu'on en voit, c'est un trailer de 1 minute 30. Moi, je trouve que ça donne envie quand même, quoi. Ouais, mais le trailer de 1 minute 30, il donne plus envie que le trailer de Harley Quinn qu'on a vu juste avant. Oui, ouais. On n'arrive toujours pas à dire Bad Off. C'est pas dans les univers, je veux dire. Si tu veux comparer, par exemple, avec le trailer du teaser du Star Wars 9, qui est à peu près de la même durée, on va dire. Bah... Ah non, mais j'ai plus d'appétence pour le Mandalorian que pour Star Wars. Ah ouais, non, mais c'est évident. Parce que nous, on est quand même amateurs de nouveautés, de nouvelles propositions vis-à-vis de la franchise. Parce qu'on tourne en rond quand même depuis que Disney a racheté le truc. Bon, à part qu'on a bien aimé Rogue One et Solo, quelque part. Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Que les spin-offs étaient quand même meilleurs que la nouvelle trilogie. Les spin-offs, pour moi, sont meilleurs que la nouvelle trilogie. J'ai du mal à dire trilogie, si j'ai vraiment pas envie d'aller voir le suivant. Mais bon... Ça vous dit le niveau d'attente du Star Wars 9. Justement, regarde, quand on avait vu le trailer Star Wars 7 ou Star Wars 8, on avait vraiment pas envie d'aller le voir. Quand on a vu le trailer de Solo ou de Rogue One, on avait envie d'aller voir. Là, on était plus impatients. Ouais. Bah là, j'ai envie d'aller voir Mandalorian. Enfin, d'aller voir. Ouais, de suivre la série Mandalorian. Ouais, sur Disney+, ouais. Voilà, bah encore un abonnement qui va partir. Hein, cool. plutôt que d'aller voir justement Star Wars 9 ouais. avec le petit trailer qu'on a vu. Et à la rigueur, j'aurais préféré qu'ils fassent des films Mandalorian, tu vois. On voit qu'il y a quand même du budget. Niveau visuel, effets spéciaux, machin. Ah ben, ça fait complètement moins fake qu'un, je sais pas, un Arrowverse ou un Flash. Ouais, hein, alors, ouais, de toute façon, les costumes sont ridicules, mais. Ça fait même mieux qu'un Star Trek ou qu'un Orville ou un truc comme ça. Ouais. Tu trouves que visuellement, c'est plus soigné que les derniers Star Trek? Ouais, visuellement, non. Je parle dans l'ambiance. D'accord. Tu sens qu'il va s'en passer plus que dans un Star Trek. D'accord. Il y a vraiment une tension à l'écran, quoi. J'ai l'impression de regarder un trailer pour un film de Sergio Leone. Ouais, c'est ça. Un Leone futuriste, quoi, ouais. Tout simplement. Ouais, donc on est super emballé pour Mandalorian. Et puis donc moi, Mandalorian, pour... The Emancipation of... non, je déconne. Au Boba Fett. Ça peut être ça le sous-titre, hein, et The Fabulous Emancipation of Boba Fett, on va dire ça. Voilà, que bon, on cache pas notre enthousiasme de découvrir les premiers épisodes quand même. Voilà, on va passer au trailer de The Kingsman, si tu veux bien le présenter un peu, vu que toi tu as vu les deux films déjà. Alors moi j'ai bien aimé le premier Kingsman, ouais. Bon, le deuxième j'ai aimé, mais le côté décomplexé quoi. Ouais. Le super vilain, c'est une bonne mère de famille qui vend de la drogue, enfin, ouais. Tu vois, je dis super vilain, ouais. Je devrais pas, hein, ils ont pas de pouvoir. C'est ça, ouais. Et là, c'est The Kingsman, donc en deux mots, les hommes du roi. Première mission, ouais. Bon, première mission, apparemment, j'ai du mal à dire, c'est première ou deuxième guerre mondiale. C'est la première. La première, et puis, ah oui, les masques à gaz tout chelou, c'était pendant la première. Rasputin, je crois que c'est plus la première guerre mondiale. Ah oui, Rasputin, c'est vrai que c'est plus dans la première. Ouais. Mais m'a pas plus branché que ça, personnellement. Voilà. Ben, je vais dire que Kingsman, c'est pas une franchise qui m'attire plus que ça. J'ai vu que le premier, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, je veux dire. Bah, ce que j'ai bien aimé, dans le premier et le deuxième, c'est parodique, on va dire, ouais. C'est décomplexé. C'est James Bond, ils ont des gadgets qui servent, voilà. Là, c'est un parapluie, c'est un abri quasiment anti-atomique, son parapluie. Ouais. Puis là, je vois pas ce qu'ils pourraient intégrer de croustillant qui te ferait. Parce que là, ça a l'air d'être vraiment premier degré, quoi. Ben ouais, puis bon, on sent un petit peu la franchise qui s'épuise aussi, quelque part. C'est un peu toujours pareil, quoi. Après, c'est le syndrome Terminator. Hein. Dès qu'il commence à faire des préquels, ça pue la merde. Ah ouais, les préquels ou les reboots ou tout ce que tu veux. Mais ça pue le Terminator, excellent. Mais moi, ça m'a pas trop emballé. J'ai pas trop envie de le voir, quoi. Moi, bon, à part que j'aime bien l'acteur qui joue, qui fait le rôle principal, là, c'est Ralph Fiennes, qu'on a vu en Asie dans la liste de Schindler, principalement. Il a fait plein d'autres rôles, mais c'est là-dedans qu'on l'a vu. Et apparemment, il est accompagné d'un jeune qui serait déjà Harry Hart, donc alias, tu m'as dit, Galahad dans les deux précédents films, qui était joué par Colin Firth, si je me souviens bien. Et on avait Taron Egerton qui faisait le jeune Exy dans les précédents, avec les vilains incarnés par Samuel Jackson dans le premier, je sais plus dans le deux qui c'était. C'était Julianne Moore, je crois. Julianne Moore, ouais, dans le numéro 2. Et là, on a un vilain qui est apparemment Rasputin, une fois de plus. Et tu vois, il n'y a pas vraiment la même saveur. Là, le vilain, il y a une tête de vilain. Enfin, faut dire complètement, il est caricatural. Ouais. Tandis que si tu prenais les deux premiers vilains, ils avaient des têtes bien sympathiques. Quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent dans un rôle de vilain, ouais. Et là, tu te dis, ils sont tombés dans les clichés inverses. C'est ça. Le méchant, il y a une gueule de méchant. Le gentil, il y a une gueule de gentil. Mm-hmm. Puis c'est de la baston. Quoi. Ouais. Ben, on peut pas... Moi, je vais pas non plus argumenter 3 heures. Parce que, bon, ce trailer, je l'ai regardé, mais j'avais l'impression de revoir d'autres films. C'est-à-dire que ça manque d'originalité. Bon. Bah pour moi, le trailer, il n'y a pas de saveur, il n'y a pas de goût. Mmh. Donc on va passer, on va zapper. On va peut-être aborder l'univers Star Trek maintenant, avec déjà le trailer de Star Trek Picard. Alors, Picard... Alors, Picard, pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui habitent juste en dessous de notre région Nord-Pas-de-Calais, dans la Somme. Non, tout à l'heure, tu parlais de la chaîne de surgelés. Ou c'est des surgelés. Ouais, ouais. Ah, pour moi, Picard, c'est ça. Voilà, ouais. On a... Bon. Picard, c'est bien sûr, c'est notre ami Patrick Stewart. Voilà. L'excellent Patrick Stewart, qu'on adore dans Star Trek, aussi bien que dans la franchise X-Men, on va dire. Donc là, je suis content de voir qu'il va mieux, vu qu'il s'était fait désintégrer par le Phoenix dans la saga numéro 3. Il est mort dans Logan, donc il est ressuscité apparemment. Il est quand même mort 2 fois. Ouais. Donc c'est un mec immortel. Non, plus sérieusement, c'est une intrigue qui est quand même, je vais dire, 30 ans après la fin de la Next Generation. Donc il est à la retraite et il y a des extraterrestres et tout un groupe un peu clandestin qui rappelle parce que ils veulent clairement qu'il effectue une mission. C'est pas très clair dans le trailer, hein, en fait, l'intrigue. Non, dans le trailer, on nous fait juste voir, donc, voilà, on nous insiste bien lourdement qu'il est en retraite. Oh mon bien, il y a bien déconné là. Bon, bien ouais. Lourdement qu'il est en retraite dans ses vignes, quoi. Ouais. Voilà. Et c'est tout, quoi. On fait plus un truc sur le fait qu'il est dans ses vignes. On voit un truc qui ressemble à peu près à un Borg. Ouais, alors là, il n'y a pas une incohérence, quoi, quelque part. Bah, tu vois, non, mais là, c'est pas un Borg. C'est le cube Borg, carrément, quoi. Non, mais c'est. Bah, les Borg, ils avaient une gueule, ils n'avaient pas d'expression. Tandis que là, bah, elle a une expression, quoi. Alors, ça pue encore syndrome Terminator où elle va se faire infecter par un truc qu'elle va devoir contrôler, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, je sais pas comment que ça va se passer, mais bon, moi, j'ai un peu tiqué pour l'histoire du cube Borg. Je pensais que. Toute la race avait été exterminée d'ailleurs, mais bon. Mais maintenant, il y a beaucoup de fanservice aussi là-dedans. Hein. De toute façon, dès qu'il y a du Star Trek ou du ouais. Star Wars, c'est du fanservice. Là, t'as la présence de Riker qui est joué par Jonathan Frakes, t'as Dina Troy aussi, t'as le retour aussi de justement de Seven of Nine, tu sais, ce personnage qui est à demi qui avait été déborgisé, on va dire, entre guillemets, dans Star Trek Voyager. Je sais pas si tu te souviens, une blonde là avec des cheveux courts. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Voilà, donc elle revient aussi. Il y a trois personnages déjà qui reviennent des séries. Ça fait un peu le rappel aux anciens combattants, quoi, quelque part, cette série, quoi. Bah, fin de service, hein. Ouais, ouais. C'est bizarre, ça fait un peu, on sait pas quoi foutre dedans. Vous mettez les bons personnages, vous débrouillez avec. C'est ça, c'est exactement ça. Du moins qu'il n'y a pas Tyler. Ou Georgiou. Mais ça, on va en parler après, hein, de Tyler et Georgiou. On va pas laisser tomber ça. Ouais. Mais, non, moi, j'ai quand même envie de donner ce que ça veut. Je pense que c'est essentiellement à cause de, parce qu'il y a le charisme de Patrick Stewart qui fait beaucoup. Puis malheureusement, c'est du Star Trek. Donc malheureusement ou heureusement, je verrai bien, je vais regarder. Ouais, on va regarder. Donc on est quand même, on est en mi-fig, mi-raisin pour ce trailer. Bah, je suis pas impatient, mais je suis en attente. Ouais, aussi. Donc, s'il n'y a rien d'autre, Picard, quoi. Au four. On va réchauffer un vieux Picard. Ça fait réchauffer, quoi. Non, non, non, bon, allez. On va continuer dans l'univers Star Trek. Et là, on va parler d'une autre génération. C'est celle de Discovery. Donc, Star Trek Discovery, saison 3. Avec un tout nouveau trailer de la série qui devrait arriver genre janvier-février, si je me souviens bien. J'avais une mémoire de février, mais je suis pas sûr de non plus. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un saut environ de 900 ans, hein, suite... c'est un peu spoiler quand même, hein, si on dit ça. Malheureusement, on va être obligé de spoiler, parce que si vous voyez le trailer, vous n'avez pas pigé ce que Burnham fait là, quoi. Bon, en fait, il y a un grand saut qui s'est effectué dans le futur, on va pas dire pourquoi, on le dira plus tard. Mais, ils arrivent dans un univers où la Fédération et Starfleet semblent avoir complètement disparu des planètes, quoi, complètement. C'est ça que, il y a un peu une dimension un peu sombre, un peu univers miroir, quoi. Je sais pas si, j'espère qu'ils vont pas recommencer cette maladresse de nous replonger. Et là, il y a donc, on retrouve l'essentiel des personnages, hein, qu'on aime ou qu'on déteste, selon. Il y a Burnham, il y a Saru qu'on adore. Est-ce qu'il est capitaine, ça, on sait pas. Moi, j'ai vu Tilly, j'ai vu l'Empereur. Stamets, Culber, ouais. Et puis, je pense qu'on a fait le tour pour les personnages. Notre cher Georgiou, quoi, Michelle Yeoh. Ah ouais, quand je l'ai revu, j'ai dit, ouais, mais il y a pas une mauvaise actrice, hein, c'est son personnage qui l'a géré. Non, mais c'est mal écrit, c'est tout. Voilà, c'est mal écrit. Elle fait ce qu'elle veut. Ouais, donc, mais elle est pas mauvaise, quoi. Puis elle se défend toujours aussi bien, hein, physiquement, on va dire. Elle se donne des coups de savate, hein, quand elle veut. Ah, le Cirque du Soleil, ça fait voilà, sa forme. Les films de sable, surtout. Mais c'est une ancienne cascadeuse, hein, je crois, Michelle Yeoh, en plus. Oui. Voilà, quoi. Mais dans ce nouveau trailer, c'est un peu vague au niveau de l'intrigue. Hein. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. On sait juste que Burnham est arrivée pas là où elle devait arriver. Avec sa combinaison. C'est dur à pas spoiler. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis... c'est dur sans spoiler, et puis elle n'est pas avec les personnes où elle aurait dû être, hein, voilà. C'est ça. On a encore un univers avec de nouveaux extraterrestres qui sont armés d'espèces de fusils qui sont intégrés au bras maintenant, apparemment. Ouais, c'est Cyborg, en fait. Ouais, ouais. Il n'y a pas de Stargate aussi là-dedans, un petit peu Peut-être les réplicateurs. Voilà, quoi, on va pas trop en dévoiler. Bon, moi... c'est vrai que je vais pas dire mon avis sur la saison 2 parce qu'on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, mais moi ça a été décrescendo au niveau des saisons de Star Trek. Ouais. Donc je vais avoir un peu de mal, je vais quand même regarder parce que faut bien rentabiliser l'abonnement Netflix. Et puis, Puis je veux dire, voilà, c'est quand même la saison 3 et je voudrais voir s'ils arrivent à créer un nouvel élan, tu vois. Un nouvel arc narratif qui va complètement se détacher de l'univers Star Trek, en fait. C'est ouais, ça, moi, que parce je veux que voir. Là, c'est... Ah, ça commence à tourner en rond. C'est dur à pas spoiler, donc on est un peu coincé dans ce qu'on veut dire. Non, bah, on va peut-être se limiter à ce moment-là. On va... Ouais, bah, disons que je suis moins impatient pour la saison 3 à cause des problèmes des autres saisons. Enfin, D'accord. Plus. Ok, donc plus de spoilers plus tard dans le podcast, on va dire. Et on a fait le tour des trailers. Maintenant, on va un petit peu parler de 3 news. Je te propose de parler déjà de ce Matrix 4 qui est en train de se faire. Là. La Warner a demandé à Lana Wachowski de prendre de réaliser ce quatrième épisode. On va retrouver Keanu Reeves et Carrie Anne Moss. Voilà, donc John Wick, le retour. Ouais, Neo et Trinity. On a appris récemment qu'il y a quelques noms qui se sont ajoutés, comme peut-être le retour de Jada Pinkett Smith. Par contre, Laurence Fishburne, on n'en parle pas, c'est ça qui est un peu bizarre. Mais ça pue, vu le scénario il y a 100 mois. Ouais. Puis il y a d'autres noms qui sont un peu moins connus, mais voilà quoi. Mais toi, ton impression de ce d'espèce de remake reboot Oh, non, aucun intérêt. Tout charme va être dépassé. Faut dire que les Wachowski a fait quand même des énormes efforts. Ils avaient été très innovants sur les effets spéciaux à l'époque. Mm-hmm. Là, si c'est juste pour nous montrer des CGI dans la gueule, c'est pas la peine. Non, c'est clair que qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir inventer une fois de plus. Je l'ai toujours dit, mais il y a aussi le fait que le premier Matrix, c'est toujours suffi à lui-même. Il n'y avait pas besoin de ses suites pour justement que ce film devienne culte, quoi. Bah, le premier Matrix est culte. Ouais. Le deuxième et le troisième sont cultes à cause de l'effet du premier. Ouais. Et encore, ils ne sont pas si cultes que ça. Non. Mais après, s'il veut faire un préquel, je vais me répéter. Mais, je ne sais pas si c'est un préquel, mais bon. Après, je suis pas si vieux, mais ça fait l'effet Terminator. Il faut arrêter de tuer une franchise. Ouais, c'est ça, c'est. Bah, toujours l'esprit mercantile derrière, hein, finalement. Bah, du cash, hein. Ouais. Faut rentabiliser l'investissement. Et puis, bah, celui-là, il est amorti. Alors, on va refaire un peu d'argent derrière. De toute façon, ils ont raison. Hein. Il y a toujours des fans qui vont aller le voir. Donc, Est-ce qu'on ira le voir? Bah, je sais pas. J'ai pas encore vu de teaser, rien du tout. C'est assez compliqué. Mais ça me parle pas, quoi. Et ça suffisait. Puis, c'était une vraie fin. Là, tout le monde y est mort. Puis, c'est marre, quoi. Donc, le film est déjà prévu pour 2022. Et ils ont déjà prévu un cinquième, il paraît. Oh, ouais. Donc. Warner, bon, où est la créativité, j'ai envie de dire, hein, quelque part. Bon, voilà, on va continuer dans les films Warner. On va parler un petit peu de la nouvelle version de The Batman, donc réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson en Bruce Wayne. Voilà, puis il y a des noms qui ont été annoncés il n'y a pas très longtemps. On va retrouver Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Jeffrey Wright dans le rôle de Commissaire Gordon. Et Paul Dano dans le rôle du Riddler. Donc on connaît déjà 3 personnages. Alors toi, c'est tes premières impressions sur Robert Pattinson déjà? Bah moi je pense qu'il doit être bien dans le rôle, ce qui a été super dans Twilight. Non je déconne, c'est de la merde. Le troll de la mort qui tue. Ouais, je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui ont cru pendant 2 secondes. Non, Robert Pattinson, j'ai du mal. Dans Twilight, Toilette. Dans Twilight, c'est sa direction artistique qui lui a dit de faire un vampire mièvre, mielleux et amoureux, quoi. Ouais, voilà. Puis pas charismatique, hein, moi je le trouve pas. Pas charismatique. Après, au niveau physique, y a moyen de l'engraisser un peu pour qu'il y ait des muscles, je pense. Ouais, déjà, il faudrait qu'il fasse ça. Quoique Michael Keaton, dans le premier, il n'y avait pas besoin de muscles pour... Ouais, avec une combinaison. Ouais. Mais j'espère... non, parce que ouais, quand même, le meilleur Batman, c'était quand même George Clooney, donc ça va être dur de faire mieux. Avec sa combinaison un petit peu fétiche, on va dire... J'espère qu'on verra les tétons à Pattinson. Ouais, ou la coquille, tu vois, le truc. Quoi. Ou le moule bite à Pattinson. Non, je pense que ça va être un petit peu un truc un peu à la Nolan, peut-être... Mais faut voir quoi. Bah moi je veux pas critiquer Robert Pattinson. Si je veux le critiquer. Ouais. Mais je voudrais attendre de voir un teaser pour savoir s'il peut être crédible dans le rôle. En fait toi t'as pas vu de film de Pattinson hors Twilight. Ah non, Twilight se suffit à lui-même. Je l'ai vu dans The Rover et puis un autre film, je sais plus où il était. Ah bah c'est Lost City of Z. Dans ces deux films, j'ai trouvé qu'il était très bon et qu'il pouvait faire un autre personnage que ce vampire un peu à la con. Quoi. Et malheureusement, ce rôle de vampire à la con, moi je vais le troller rien que pour ça, c'est un peu dommage. Quoi, parce que du coup, c'est comme je te dis, j'ai pas vu de trailer teaser, mais je pars avec un énorme a priori. C'est ça. Il y a un préjugé qui te dit, ouais, Je ne sais pas quoi. Après, je pourrais avoir une bonne surprise. Hein. Hugh Jackman, il avait fait que des rôles sentimentaux avant de faire Wolverine. Il était pas bon hein, dans les films. J'étais mièvre et puis. Il était pas bon. La direction artistique du film, il donnait pas envie de le voir. Bah, c'est cette image de beau gosse qui lui collait à la peau quoi. Et après, quand il a fait Wolverine, top quoi. Je vois pas quelqu'un d'autre en faire Wolverine. Bah ouais, hein, parce que là, du fait que la Fox a été rachetée par Disney, les licences X-Men et les 4 Fantastiques sont revenues à Marvel. Et donc, ils envisagent un Wolverine plus jeune. D'ailleurs, tu as peut-être une anecdote sur cette histoire de jeune Wolverine. Allez faire un tour sur Melty, il y a Daniel Radcliffe en Wolverine. C'est pas un fan art ou quelque chose comme ça, non? J'espère que oui, parce que j'en sais pas plus, malheureusement, je l'ai entreaperçu. Mais ouais, parce qu'il y a les rumeurs aussi qui parlent de Taron Egerton, qui est justement le héros de Kingsman, et qui a joué le rôle d'Elton John dans Rocketman il n'y a pas très longtemps. Et je sais pas, je vois pas non plus lui voir. Après, on pourrait avoir une bonne surprise, hein, parce que Pattinson, on lui a donné Twilight. Bon, c'était quand même le rôle de sa vie jusqu'à maintenant. Mais malheureusement, il a suivi une direction artistique et il était jeune à l'époque aussi. Hein, faut dire ce qu'il faut. Il y a peut-être plus de bouteilles maintenant et plus de potentiel, mais ça, je serais pas le dire. Bah, je pense qu'il faut, il faut attendre de voir sa prestation, tout simplement. Tout le monde avait craché sur Ben Affleck en Batman. Pour finir, c'était très bien. Bah, Michael Keaton aussi, hein, a essuyé beaucoup de remarques la part des fans. Hein, et Tim Burton a tenu bon. Et puis finalement, ça donne de très bons films. Hein, C'est pour ça que je pense qu'il faudra voir avant de critiquer. Ouais, bon, je critiquerai quand même, hein, mais il faudra voir quand même. Faudra voir un premier. Je pense que on va avoir une première vue. Quand on aura un teaser ou un trailer, tu vois déjà. Ah, puis il y a des trucs comme ça, quand tu le vois, tu sais que ça va être de la merde, genre Nicolas Cage en Superman avec des cheveux longs. Là, tu savais que ça puait le film de merde. Là, il faudra voir la première image. Ça, c'est le projet Superman Lies de Tim Burton, qui était vraiment un truc abracadabra. Faudra en parler. Moi, je pense qu'on en a parlé dans notre spécial Superman, de cette histoire-là. Mais effectivement, faut wait and see, j'ai envie de dire, quoi. Bah ouais, faut attendre. Ouais. Mais je cracherai volontiers sur Pattinson quand même. Parce que sa tronche, elle te revient pas peut-être. Non, malheureusement, non. Ça, j'ai rien contre monsieur, mais par contre, son rôle dans Toilette, non. Dans Toilette. Juste parce que j'étais pas concerné, hein, parce que vu le nombre d'audience qu'il a fait ce film. Ouais. Bah, ça plaît pas le public. Hein. Ça plaît un jeune public. Hein. Ouais. On n'est pas public visé. Hein. Voilà quoi. Ouais, ça peut faire l'effet Hugh Jackman. Hein. C'est-à-dire, on parie pas dessus une cacahuète, et pour finir, après, il sortira peut-être plus du rôle. Ouais, c'est ça. Bon allez, on va pas tergiverser, hein, parce que moi je suis quand même impatient de voir un trailer quand même, mais pour voir ce que ça va donner et tout. Mais moi je te propose de parler un petit peu de Star Wars. On en a pas parlé beaucoup, je trouve. On a parlé de Mandalorian. Maintenant il y a il y a Ewan McGregor et Kathleen Marshall, je sais plus. Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, qui a annoncé une série sur Ben Kenobi. Alors moi, je suis un petit peu sceptique parce que Ben Kenobi, on l'a vu beaucoup, que ce soit dans les séries animées ou dans les films. Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre de plus ? Dans Clone Wars, on l'a vu, dans les films, forcément, on l'a vu. Dans la trilogie, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre ? Bah, le problème, c'est que voilà, c'est salut les fans, on vous fait un film sur Kenobi, venez le voir, s'il vous plaît. Ça fait un peu pas un film, une série. Hein. Ouais, une série, encore pire. Ouais. Alors que là, ils avaient déjà développé un truc un petit peu un peu moins fan service, je dirais. Il y a Mandalorian, il y a Cassian Andor, donc le personnage qu'on voit dans Rogue One, là, tu sais, le compagnon de Jyn Erso. Et là, ils nous ressortent, ils nous pondent Ben Kenobi. Ouais, mais on l'a vu ce personnage. On sait comment il meurt. On sait tout son passif quoi, quasiment. Ouais, en gros, on sait juste pas ce qui s'est passé entre la première trilogie et la deuxième trilogie. Enfin, du coup, entre la première. Ouais. Mais je sais pas s'il y a grand chose à raconter. Parce que, en fait, c'est le gars qui était obligé de se planquer parce que sinon, quick. Oui, parce que s'il s'éloigne de Tatooine, déjà, il s'éloigne de ses responsabilités parce qu'il est quand même censé protéger Luke. Déjà. Ouais. Donc, après, il y a le retour de Dark Maul. Ça, c'est une rumeur aussi. Dark Maul qu'on revoit d'ailleurs dans Solo. Ouais. On s'étonne d'ailleurs que... En fait, c'est un truc qui est venu de la bande dessinée, hein, de ressusciter Dark Maul. Ça vient pas des films ou des séries animées. Hein. C'est purement commercial, on va dire, entre guillemets. Voilà quoi, mais t'es comme moi, t'es pas très emballé finalement par ce personnage. C'est parce que là, franchement, au niveau de l'histoire, je vois pas. Je vois pas. C'est Mandalorian, voilà, comme tu dis, c'est un western. Il y a une possibilité, il y a plein forcément, de possibilités. Il y a, il y a le champ des infinis, hein, là, il n'y a pas de souci. Kenobi, bah, il faut qu'il se raccroche à l'univers, parce que sinon les fans vont gueuler. Donc, du coup, bah, je vois pas trop. Non, je vois pas trop l'intérêt. Ouais, ouais, bon, d'accord. Bon, on va terminer, on va clôturer ce passage news trailer et on va passer à nos petites critiques, là, vite fait. Donc on a déjà parlé d'un film qui était sorti mi-juillet, si je me souviens bien. Ouais, pour les vacances scolaires. Ouais, ouais, ouais. En plus, ça tombe bien, vu que c'est un peu le thème du film. Bah, carrément. Ouais. donc ce film réalisé par John Watts avec Tom Holland. Ouais, ce film qui est censé clore la saga du MCU. Tout à fait. Non, on va revenir un petit peu sur les soi-disant jonctions entre le MCU et forcé, je vais dire... entre le MCU et le MCU. Avant, il forçait à coup de pelle, maintenant, il force à coup de tractopelle. Donc, Tom Holland, Zendaya dans le rôle de Mary-Jane. Non, dans Michel. Je confonds parce que c'est MJ. Il y a aussi Jacob Batalon dans le rôle de Ned. Et dans le rôle du grand méchant, c'est notre ami Jake Gyllenhaal qui joue Mysterio, Quentin Beck. Voilà, je pense que on retrouve aussi John Favreau, hein, évidemment, dans le rôle d'un comic relief. Hein. Il faut toujours un comic relief. Et puis on a un petit caméo de Robert Downey Jr. en version zombie. Ouais, mais je croyais que c'était Michael Jackson au début. Ça fait un peu thriller cette scène. Hein. Enfin, on en parlera tout à l'heure. C'est quand tu m'en as parlé, j'ai dit oh, ouais. Donc je te laisse un petit peu ouvrir le débat quelque part sur ce film. Quelles sont tes impressions? Ah ouais, qu'est-ce que je me suis fait chier. Ce film n'est clairement pas adressé à nous, c'est ça, c'est évident. Ah non, c'est Spider-Man va au bal ou un truc dans le genre, quoi. C'est carrément, quoi. Ouais, c'est il y a envie de Ken, quoi. C'est tout. Hein. c'est moi, tout ce que j'ai retenu du film, c'est que Spider-Man a envie de baiser. Ouais, c'est le gamin pubère, quoi. La puberté, elle explose, quoi. Quasiment. Ah, ça y est, ouais. Il y a blippé pendant 5 ans et puis il a envie de rattraper le temps perdu. D'ailleurs, c'est bien, c'est très pratique dans ce film, c'est que toute sa classe, elle a blippé en même temps. Hein. Ah, pendant 5 ans, on va en parler tout de suite des connivences avec le MCU et surtout avec les événements de Avengers Infinity War et Endgame. Là, on va considérer que vous avez tout vu, parce que sinon, ça va être dur de faire une critique du film. On va spoiler à mort, là. Donc, c'est après les événements d'Infinity War, donc la mort de Tony Stark, qui apparemment bouleverse le monde. Puis les gens qui sont revenus 5 ans après à la position où ils étaient. Bon, je plains ceux qui étaient en train de prendre un vol, parce qu'eux, ils sont morts. Mais sinon, les gens, ils sont revenus exactement là où ils étaient. Et ceux qui étaient dans l'espace, est-ce qu'ils ont vécu Bah, ceux qui étaient en avion, ils sont morts parce que ils sont revenus, il n'y a plus d'avion. Ceux qui étaient en croisière, ils sont morts noyés. Ceux qui étaient dans l'espace, ils sont morts étouffés. Ouais, d'accord, on va dire ça un petit peu, ouais. Non, c'est vrai que c'est complètement mièvre. Et ça commence très mal pour moi parce que t'as tout de suite l'espèce de dommage aux trois qui sont décédés, là, avec une chanson de Whitney Houston qui est une très belle chanson, hein. C'était celle de Bodyguard. Et j'ai trouvé ça, mais une mièvre, et je me suis dit, non, mais ils ont osé faire ça, quoi. C'est interdit, quoi, de faire des trucs comme ça. Ouais, ça fait... on doit être triste, hein, parce que, voilà, il faut être triste. Le tir à l'arme. Ouais, c'est le tir à l'arme. C'est du tir à l'arme en continu dans ce film, je trouve. Ah ouais. Ouais. Bon, voilà, quoi. Puis après, on découvre que... Bon, c'est un sujet de plaisanterie, hein, la disparition des 5 ans, là. Ouais, voilà, c'est des blagues. Ouais, on déconne, quoi. Il y a la tante de Spidey qui dit « Ah, ben moi, je suis revenu, voilà, et dans mon appartement. » Il va dire qu'ils ont cru que j'étais un fantôme. C'était débile, quoi. Ouais, non, mais il n'y a pas de truc très subtil dans ce film. Hein. Ah non, puis voilà, puis, Tante May disparu 5 ans. Aussi. Happy, j'ai bien l'impression qu'elle avait disparu 5 aussi. Ans aussi. Donc ils n'ont pas vieilli, quoi. Speedy a disparu 5 ans, MJ a disparu 5 ans, Flash a disparu 5 ans, tous les chieurs ont disparu 5 ans, toute la classe ont disparu 5 ans. Ouais, ouais. Hé, hey, Thanos, je pensais que tu faisais les trucs au pif. Non, pas du tout, t'as bien visé. C'est vrai qu'on dirait que c'était un peu aléatoire, cette histoire, mais en fait, non. Hein. C'est selon le besoin du scénario. Ah ouais. Ouais, en fait, c'est ça, quoi. Mais ta gueule, c'est le scénar. Donc, il se balade à travers le monde, il veut faire avec MJ. Bon, cette actrice que moi, je trouve complètement pas du tout charismatique, faut avouer. Tom Holland, moi, il commence à m'agacer avec tous ses pitoreries. Moi, je trouve que c'est pas un bon Peter Parker pour moi. Tu vois, voilà, c'est un ado. Ouais. Normalement, Spider-Man, c'est un héros. Tu vois, c'est un héros, malgré lui, je te l'accorde, mais c'est un super héros qui... Il en prend plein la gueule, qui n'arrive pas à gérer, mais qui essaye. Là, il essaye même pas. Hein. Premier Gugus qui arrive, tiens, je te passe les responsabilités. Puis il y a le gros problème de ce rattachement continu à Tony Stark. Que ce soit par sa disparition que par ses tenues, parce qu'il y a, quasiment deux, trois tenues dans le, film. Il y a la tenue noire, il y a la tenue où il vole, et puis il y en a une autre. Puis il se fait une tenue avec le matos de Tony Stark. C'est ça, dans l'avion. Que Tony Stark lui a légué, quoi. Enfin, moi, je sais pas. En quoi, si je dois léguer les Avengers, je le lègue pas un gamin de 15 ans. En, quoi, en quoi il est l'héritier des Avengers, Spider-Man? Il a 15 ans. Qu'est-ce qui légitime le fait que le mec est l'héritier de Tony Stark? Plus le faucon, ou je sais pas, ou celui qui fait War Machine, ou n'importe quoi. Mais pas un gamin de 15 ans qui a pas encore fini ses études. Non, bah le mec, il est même pas encore pubère et tout, et puis c'est un personnage que j'adore, mais là-dedans il est mal exploité. Mal exploité, très très mal exploité, très très mal exploité. C'est le Spider-Man, il voyage à travers le monde, il est obligé d'avoir Tony Stark comme mentor, ça n'a jamais, quasiment jamais existé dans le comics, en plus cette histoire de filiation. Je sais pas pourquoi, ils s'en croisent que deux fois. Puis il y a la dernière scène avec... tu l'as vu la scène post-générique? Tu l'as pas vu? Non. Je suis parti avant. Bon, disons que... tout ce qui rattache un petit peu au comics, c'est l'affrontement avec Mysterio, quoi, à la rigueur. Alors, on peut en parler aussi de Mysterio, de cette relation entre Parker et Mysterio. Bah, il s'attache vite, hein, Peter, hein, c'est-à-dire que Mysterio, il est là pour arnaquer le monde et récupérer la technologie Stark. C'est ça. Mais comment il sait que c'est Peter qui va accéder à la technologie Stark après? Cette histoire de montre, là, je crois, ouais, c'est ça. De lunettes. De lunettes, ouais. Ouais. Lunettes ultra confidentielles et tout, hein. Ah ouais, je te le donne, hein. Je te connais à peine, mais je te donne la technologie qui va pouvoir. On est d'accord, elle lui donne toute la technologie Stark. Ah ouais, complètement. Au fiches du personnel. Elle reconnaît pas l'intelligence artificielle, c'est un ancien membre du personnel qui travaillait en sur plus, qu'est-ce que c'est que ces scènes ridicules de flashback, là. Franchement. Il l'a pas reconnu que c'était un, ouais, comme tu dis, c'est un ancien membre de Stark Industries. Bah ouais. Qu'il a cherché quelque part à se venger. D'ailleurs, c'était un autre arc narratif dans un autre film, je pense. C'était pas l'histoire de... Bah, ça rejoint un petit peu le truc de Iron Man 3 avec Extremis. Avec Vanko, ouais. Ouais, c'est un peu pareil comme histoire de Vanko, c'est dans le 2. Donc avec, non, pas Vanko, je te parle de Extremis. Ah, merde, comment il s'appelle, le scientifique? Il était joué gars par Guy Pearce, mais... Ouais, mais je me rappelle plus. Personnage en lui-même. Hammer? Justin Hammer? Non, pas Justin Hammer. Non, c'est pas lui. Non, Justin Hammer, c'est celui qui vend les armes. Dans le 2. Bon, voilà. On n'est pas au point sur la culture d'Iron Man 3. Non, mais c'est ça. C'est tous les déçus de Stark qui se liguent et puis qui veulent récupérer la technologie pour dominer le monde. C'est toujours le même scénario, finalement. Bah, c'est du réchauffé, quoi. Non, puis c'est pas très intéressant. Hein. Bah, on s'ennuie, en plus. C'est ça, le problème. Oui, alors on se fait chier quand même pendant le film. Moins qu'un Star Wars 8, je suis d'accord, mais on se fait chier pendant le film quand même. Ouais. Mais il y a aussi cette histoire des personnages, parce que t'es irrité, t'as des blagues tous les 3 secondes. J'avais l'impression de regarder American Pie version Spider-Man. Ouais, c'est ça. Enfin, avec un côté un peu moins cru, mais on va dire, vu qu'il n'y a pas la tarte aux pommes, mais bon. Ouais, mais enfin, je veux dire, voilà, t'as quand même le mec qui donne toute la technologie à Stark parce qu'il a envie de baiser. Ouais, c'est ça. Je suis cru, mais tu vois, il y a Mysterio qui dit ça comme remarque, et je dis, bah, il n'y a que Mysterio qui a compris le truc. Hein. Puis il y a des accompagnants qui sont vraiment d'une connerie infinie, quoi. Il arrive une catastrophe à chaque endroit où ils vont, personne n'est rapatrié. On continue le voyage. Il rigole, quoi. Je sais pas, moi. Et puis, il y a surtout ce que je déplore dans ce film, c'est qu'il y a. Il n'y a aucun effet psychologique par rapport aux événements des Avengers. Ils reprennent leur vie comme si qu'il s'était rien passé, quoi. Ouais. Tu vois? C'est ça qui me dérange le plus là-dedans. Ouais, puis c'est super léger pour un truc qui est censé se passer après toutes les catastrophes qu'il y a eu, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, moi, il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est la scène des illusions. Où il y a un clin d'œil à Marvel Zombies, quoi. Bon, après, moi, je suis désolé, les scènes avec les illusions, comme tu dis, sont bien faites. Ouais. Mais ça reste moyen. Hein. Bah, c'est esthétique. Ouais, j'ai l'impression de regarder un Skylanders, moi. Ouais. T'as trouvé que ces effets spéciaux, ils étaient pas terribles? C'est pas que les effets spéciaux sont pas avec terribles. Avec des fonds verts dégueulasses? Non, moi, je trouve qu'ils se sont reposés sur les effets spéciaux et qu'ils ont complètement oublié le scénario. Oui. Mais ouais, comme tu dis, c'est exactement ça. C'est que ils ont privilégié l'action, les blagues, les personnages qui sont mal écrits, et puis au détriment d'une certaine cohérence aussi dans le film narratif des précédents films. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Puis, ouais, j'avais pas beaucoup aimé Spider-Man Homecoming, Mais j'avais adoré le personnage de Michael Keaton, le retour, quoi, tu vois. Elle était bien. Ah ouais. C'était un vilain où, bah, tu vois quand même que c'est lui, hein, dès le début, parce que à cause de la première scène. Mais complètement. Mais je veux dire, voilà, c'est un vilain, un bon vilain, quoi. Tandis que Quentin Blake. Quentin Blake, ouais, il est caricatural, hein. Ah, complètement. Il y a, c'est juste une histoire d'ego, quoi, finalement, sa vengeance, là. Bah ouais. C'est parce que il s'est fait bouffer par Stark. Et encore une fois, t'as l'écrasement de Tony, du personnage de Stark dans ce film-là, que t'avais déjà dans le précédent d'ailleurs. Mais ils ont continué, mais à double dose, j'ai l'impression, dans ce film-là, en fait. Ouais, moi je sais pas. Moi j'ai pas adhéré. Déjà dans le premier, les seules scènes qui étaient bien, c'est quand il y avait Iron Man. Et dans le deuxième, j'ai pas adhéré. Je pense que je suis pas la cible. Hein. C'était un film vraiment jeune. Hein. Ouais, c'est destiné aux ados, clairement. Destiné aux ados. Qu'ils aiment bien le fun et tout ça, qu'ils réfléchissent pas trop sur le scénario. Et dans ces cas-là, tu la ramènes pas et tu dis ça clôt le MCU. Quoi. Voilà, ouais. C'est tout. Infinity War, c'était le dernier. Endgame, c'était le dernier. Puis c'est mort. Non, parce que Spider-Man Far From Home, moi, c'est. Pour moi, c'est le premier film de la phase 4, quelque part. Tu vois. Ça aurait été mieux présenté comme ça. Ouais. Mais même là, enfin, il est oubliable. Pourquoi une conclusion aussi ratée, franchement. Je pense qu'il est même plus oubliable qu'Iron Man 2. Ouais, voyez, encore pire. Moi, je trouve que Iron Man 2 et Thor 2 sont de très mauvais films, certes, mais Spider-Man Far From Home, moi, je crois que il est bien classé là-dedans. Hein. Ouais, je dirais même pire que Thor 2. Ouais. Parce que Thor 2, on sait. Certes, il y a plein de conneries, on va le dire ouvertement, mais moi, je m'étais pas ennuyé, quoi. Oh, je m'étais ennuyé dans Thor 2, hein, moi, ouais. Aussi, mais moins. Ouais, quand même. Moins. Enfin, c'était un peu plus. Ouais, il y a vraiment un problème avec ce film. Mais le problème, c'est qu'ils ont. Bon, on va peut-être un petit peu parler de cette histoire d'accord entre Sony et Marvel. Ah ben, qui oui, a oui. Laissé un suspense insoutenable auprès des réseaux sociaux. Ouais, c'est pas. Ouais, Sony vous êtes dégueulasse, Sony. Sony voulait plus donner ouais. Spider-Man à Marvel. Ouais. C'est pas grave, on vous fait un chèque. Ah bon, on vous le donne. Ouais. Donc là, c'est une histoire de pourcentage sur les entrées. Hein. Ouais. Ils ont augmenté leur pourcentage et puis tout d'un coup, tout s'est arrangé. Donc il y a un Spider-Man 3 qui est déjà en route là. Et j'ai vraiment pas envie d'aller le voir, quoi. Franchement, le 2, alors moi j'ai envie d'aller le voir parce que j'espère qu'il va avoir le syndrome Iron Man 3. Moi, Iron Man 3, je voulais pas aller le voir. Hein. Quand j'avais vu le 2, j'ai dit, ça va être de la merde, c'est pas ouais. La peine. Et puis, rien, il était bien. Oui. Enfin, par rapport, il était mieux, on va dire. Il était mieux, voilà. Ouais. Par contre, j'espère que ça va être la même chose. Sinon, je pense que ça va être graduel avec Spider-Man. Ils vont reprendre les recettes. Ils vont te rebalancer un Tony Stark virtuel, peut-être en plus. Tu vois. Ouais, ou l'héritier de Stark, je sais pas, n'importe. Enfin, maintenant, il parle en vilain, il parle de Kraven. Alors là, Leblanc en dit long. Hein. Kraven a été lâché, plus personne n'a répondu. Bon, bah, je pense que le silence parle de lui-même. Hein. Kraven avec sa fourrure, enfin, c'est le gars qui sort de sa jungle avec sa fourrure sur le dos. Ouais, bah, c'est le chasseur drag queen, hein, avec sa fourrure sur le dos. Il y a ce côté un peu primaire, quoi. C'est pas un personnage intéressant en plus, Kraven. Non, c'est un chasseur, c'est tout. Ouais. Il est là pour chasser. Ouais. Tu lui donnes un gibier plus gros, il chasse plus. Il y a quand même des vilains qui sont kitsch dans Spider-Man. Si tu prends la BD, Kraven, il fait chier Spider-Man jusqu'à ce qu'il y ait un Venom qui arrive et là il fait chier Venom. Ouais, c'est Kraven. Ouais. Hein, c'est trop facile, gros, je vais choisir l'autre. Bah, voilà, c'est Kraven. Très intéressant. Un Venom 2 qui va arriver d'ailleurs prochainement, qui sera réalisé par Andy Serkis, qu'on connaît surtout pour avoir fait beaucoup de motion capture derrière les masques de César dans La Planète des Singes et Gollum dans La Cité des Anneaux. Pas confondre avec Nicolas Serkis, qui fait beaucoup d'images sur scène en s'entendant en Indochine. Je viens de me faire une vingtaine d'ennemis d'un coup. Là. Complètement, là. Attention, hein, tu vas te faire... Ils vont sortir leur sulfateuse. Oh, je vous donnerai mon adresse à la fin. Mon adresse mail. C'est au bord de la... Comme dans Iron Man, je sais plus combien, là. C'est au bord de la rivière, au bord de la falaise. Mon adresse, c'est là-bas. Ouais. Iron Man 3. Ouais. Voilà. Mais j'ai perdu le fil, du coup. En fait, on parlait de Venom. Ouais, Venom 2, alors, tout retour de Tom Hardy. Joué par Gollum. Réalisé par Gollum. Ah, réalisé par Gollum. Avec Tom Hardy, bien sûr, qui va reprendre le rôle de Eddie Brock. Après, il y aura Woody Harrelson qui va prendre le rôle de Carnage. Et on repart d'un autre personnage féminin qui serait un petit peu dans le Spider-Verse, on va dire. Voilà, quoi, c'est un petit pour glisser un petit peu, pour dire que Spider-Man Far From Home, bah, moi, je... Moi, je le déconseille fortement. Enfin, de mon point de vue. Tu vois, Venom était pas très bon, mais j'ai préféré Venom. Bah, parce Venom, que on s'est pas emmerdé, même s'il y avait plein de d'incohérences et de conneries. Il y avait des incohérences, mais je me suis carrément moins emmerdé. Ouais, et puis ça durait qu'une heure et demie, quoi. Ouais. Contrairement à Spider-Man qui dépassait 2 heures, je pense. Il n'y a pas besoin de faire 2 heures. Alors, il y a un grand. Si t'as pas vu la scène post d'intro, en fait, il y en a plusieurs. Et c'est encore pire que les films. C'est-à-dire que tu te rends compte que dans une scène, il y a Fury et Maria Hill. Ouais, qui sont dans l'espace. Non, ils sont pas dans les... C'est des Skrulls. C'est des Skrulls sur Terre. Et mais les vrais sont dans l'espace. Et en fait, Jackson... pas Michael. Hein. Jackson. Michael Jackson. Samuel Jackson. Michael Jackson, on l'a vu dans la zone. Il est en vacances sur le vaisseau des Skrulls. C'est ça. Et puis la deuxième scène, c'est en fait Spider-Man. Là, c'est une scène qui est plus proche du comics, que je dis, ouais, mais c'est le seul clin d'œil qu'on retiendra. C'est que il balade à New York et puis et Jameson balance Jameson ouais, mais l'intérêt du truc c'est de rendre un clin d'œil au premier Spider-Man, c'est-à-dire que Jameson est incarné par cet acteur dont j'ai oublié le nom, très marquant hein, ouais. Après, on le retient pas. Non mais le Jonah Jameson de Spider-Man avec Tobey Maguire. Je voudrais bien me souvenir du nom de cet acteur parce que je trouvais qu'il a été formidable dans la première trilogie. Ouais, je serais incapable de le redire aussi. Ouais, on a tous je me souviens sa tête, plus. Mais pas le nom. Ouais, ouais. Oh. Et donc, dans la zone, bah, en fait, ça, il dit l'identité de Spider-Man. Ouais, il balance, il dit... donc là, il dit clairement que Quentin Beck est un héros. Jonah Jameson, qui est joué par J.K. Simmons. Merci Internet. Excellent acteur. Merci, ouais, bien sûr. Merci Wiki. Google. qui dit clairement que Peter Parker est Spider-Man. Voilà, quoi. Parce qu'il a récupéré apparemment des documents de Mysterio. Je sais plus dans quelles circonstances ça arrive. Mais Mysterio le dit à la fin, qu'il va dévoiler son identité. C'est ça. Pour le faire chier. Donc Jameson, oui, il balance le truc. Donc certainement que l'intrigue du 3 va tourner autour de cette ambiguïté, autour du Spider-Man, de ce Spider-Man qui n'a plus vraiment d'intérêt pour moi. Voilà, quoi. On n'a plus rien à dire, on peut clôturer. Non, mais je crois même qu'on en a trop dit. Ouais, déjà. Voilà, quoi. Je te propose de parler de série. Et moi, j'ai pas vu Orville, donc je vais te laisser en parler de la série The Orville. Ouais, je vais aller très très vite, hein. Peut-être même pas 5 minutes, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur The Orville. Ouais. Saison 2, bien sûr. Ouais. Hein. Ça part dans la lignée de la saison 1 au début. C'est bien, il y a des petites histoires, des thèmes abordés qui sont bien. Hein. Moi, comme la. Pas la voyance, mais. Les signes du zodiaque et tout, je sais pas comment ça s'appelle. L'astrologie. L'astrologie, voilà, qui sont employés. Mmh. Tu vois, tu te dis qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce thème-là, et en fait, ils en font un bon sujet. Ouais. Et à la fin, par contre, ça part sur du sérieux, mais vraiment très sérieux, le sort de l'univers est en jeu et tout, et là, ça m'a déjà beaucoup moins bien plu. Ah ouais. Donc, ils se prennent au sérieux de plus en plus. Les histoires sont moins intéressantes, du coup, parce que les thèmes abordés sont plus originaux. T'as l'impression de voir un Stargate. Un Star Wars ou un Star Trek cheap, du coup, forcément. Ouais. Mais du coup, les thèmes abordés, c'est pas génial. C'est le bien contre le mal, les méchants contre les gentils. T'as l'impression qu'ils sont en train de lisser les scénarios et que, quelque part, ils veulent J'ai plus... J'ai l'impression qu'ils veulent ils faire veulent plus trop fatiguer, bien, quoi. Mais tu vois, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Ouais. Du coup, moi, les 3 derniers épisodes de The Orville, je me suis complètement fait chier devant. Ouais. Tandis que la nouvelle repartie de la saison, j'étais assez content de les revoir au début. Parce que voilà, ils abordaient des thèmes, l'amour interespèce entre un robot et des humains, enfin des trucs comme ça. Tu te dis, what the fuck, quoi. Comment vous arrivez à intégrer ça? Et c'est super bien intégré. Ouais. Et après, ça part sur des thèmes lisses, le bien contre le mal, et puis faut remonter le temps, enfin des trucs comme ça, quoi. Mmh. Ouais, je comprends bien. Maintenant, il y a peut-être un. Ils accusent peut-être une baisse de régime. Je veux dire que peut-être que maintenant que les scénarios, ils ont tendance à s'essouffler. Il faut dire qu'ils ont fait fort au niveau des scénarios dans la première et la deuxième saison. Hein. Ouais. Donc c'est peut-être ça, ils ont peut-être un petit problème pour se renouveler. Est-ce que il y aura une saison 3 déjà à Orville? Alors moi, j'ai pas regardé les rumeurs. Mmh. D'après ce que j'ai pu en voir, ils parlaient d'en faire une saison 3. Mmh. Faut voir avec McFarlane parce que des fois, il est assez versatile. Donc je sais pas. S'il y a une saison 3, je sais pas. Ouais, c'est McFarlane. Hein. Peut-être qu'il a bout de gag et de... McFarlane a toujours dit que quand il serait à court d'imagination, il arrête. D'accord. Ouais, voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'on peut passer au, non, la série Orville, saison 2, moi, je vous le conseille quand même, hein, regardez-le. Ouais. On passe des bons moments, mais moins que dans la première saison. Mais au niveau visuel, les vaisseaux, tout ça, c'est... Ça reste cheap quand même, mais ouais, c'est crédible. Trouve. Mais c'est pas leur but de faire un truc grandiose. Mmh. Hein. Ils font des effets spéciaux, c'est constant par rapport à la saison 1. Mais ça se laisse regarder. Mmh. Ouais, ok. Ça fait moins fanfic que Dragon Ball Evolution. Ouais, mais ça, c'est le, si tu compares à ce qui est pas comparable, parce que nous, les fonds verts dégueulasses, on connaît, quoi. On va dire ça. Voilà, peut-être un... Ouais, tu vois, il n'y a pas grand-chose à en dire. Conclusion, quoi, ouais. Donc là, on va pas avoir abordé vraiment la grosse discussion. C'est, tout à l'heure, on a parlé de Star Trek Discovery saison 3. Là, on va entrer en pleine position, c'est-à-dire que on va parler, on va pas faire des détails d'épisodes. On va parler des arcs narratifs principaux, on va dire. Et on va spoiler à mort, quoi. On va spoiler à mort sur Donc Star Trek. Donc là, que ce soit Tyler, Burnham, ça va te spoiler de A à Z, on va dire. Ah, puis je vous préviens, tout le monde va prendre cher. Alors, cette saison 2 de Star Trek Discovery, elle commence alors que le capitaine Pike prend le commandement du vaisseau. Donc, laissant Saru comme second, en fait, et Burnham. C'est ça un peu le début. Ouais, comme on avait dit avant, un pauvre Saru, à chaque fois qu'il est sur le point de devenir capitaine, il y a un blaireau qui vient. Bien sûr. Bah, c'est là que commence un peu le premier arc avec le mystère de l'ange rouge. L'ange rouge, c'est en fait, à chaque fois qu'il se rend à un point, il se passe quelque chose qui a un rapport avec... Ils reçoivent un signal sous la forme d'un point rouge dans l'espace-temps, hein, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc ils s'y rendent pour aller jeter un œil, pour savoir ce que c'est. D'ailleurs, l'Enterprise revenait d'un point rouge et ça a fait péter tous les systèmes de communication de l'Enterprise, comme c'est pratique. Et du coup, bah, ils embarquent dans le Discovery pour aller enquêter. Ouais, ce qui est un peu bizarre, parce que l'Enterprise est censé quand même être le vaisseau le plus perfectionné de Starfleet. Donc là, il y a déjà un premier problème pour moi. Mais bon. Donc on accumule en fait tous ces rencontres jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y a une relation entre tous ces points en fait. Ah, ils sont pas là par hasard. Soit ils ont une mission à remplir, ça devient encore plus mystérieux. Mmh. Et à chaque fois qu'ils vont quelque part, c'est pour un but précis qui s'embrique les uns dans les autres. C'est la merde... On est déjà dans le spoiler, hein, quasiment. Là. On va être obligé, hein, sinon on ne pourra pas partir dessus. Hein. C'est la mère de Burnham qui voyage à travers le temps, grâce à cette combinaison qui a été inventée par son père, d'ailleurs, pour lui dire... En fait, il y a une sous-intrigue dans l'intrigue, va être obligé de spoiler. Au début, ils croient que c'est la mère de Burnham qui fait toutes les apparitions pour surveiller sa fille ou pour lui donner une mission. Mmh. Et en fait, je vais zapper directement jusqu'à la fin, en fait, c'est Burnham qui s'apparaît à elle-même à chaque fois. Et d'où cette... Cette espèce d'incohérence un peu scénaristique pour moi. Exactement, parce qu'à un moment, on se dit, elle n'arrive pas à décoller dans le futur. C'est dur à dire, décoller dans le futur. Mmh. Parce qu'elle dit, merde, je suis bloqué ici. En fait, parce que c'est elle qui doit faire tous les sauts, qui croyait que c'est sa mère qui avait fait juste avant. Ouais. Et comment ça se fait Ça voudrait dire qu'il y a deux combinaisons, alors qu'on nous a dit qu'il n'y en avait qu'une. Non, il y a la combinaison de sa mère. Ouais. Donc ils arrivent à... Car le mec n'a rien compris, quoi. Ils arrivent à alpaguer, entre guillemets, sa mère en essayant de faire mourir Burnham. Ouais. Enfin, voilà, hein, comme c'est pratique aussi. Ouais. Et là, ça permet juste d'avoir les plans, en fait, hein, pour la combinaison pour Burnham. Ouais, pour pouvoir clore un peu le chapitre. Et en fait, sa mère, n'a rien à voir avec les apparitions de l'Ange Rouge. C'est Burnham, les apparitions de l'Ange Rouge. Ouais, mais elle, sa mère a quand même voyagé à travers le temps. Ouais, sa mère a voyagé à travers le temps, mais les 7 apparitions, c'était Burnham elle-même, c'était pas sa mère. Et c'est ça qu'on nous explique à la fin. Et du coup, ça casse tout le truc à la fin. Ouais, c'est vrai que c'est un peu rapide en plus. Ah oui, c'est super rapide. Elle saute d'un point à l'autre, comme si que, pour nous rappeler un peu les épisodes précédents. Donc, on peut dire que il y a un autre fil narratif avec le personnage de Tyler aussi. Que celui-là, franchement... Déjà, Tyler était une énorme erreur dans la première saison. Mais là, je trouve que c'est encore pire, quoi. La versatilité du personnage, quoi. Bah, tu vois, Tyler, je sais même pas si on en a pas parlé à un moment, c'est quand il est chez les Klingons, c'est je suis un humain, et quand il est chez les humains, c'est je suis un Klingon. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un peu ça. Donc, il est complètement versatile, il sait pas où il est. De toute façon, je crois que les scénaristes, de toute façon, ils savaient pas où le mettre non plus. Non plus. Et puis, et puis il devient membre de la confrérie de l'ombre. Non, merde, ça c'est dans Batman et les Tortues Ninja. Il devient membre de la division 31, de la section 31. Ah oui, alors ça, c'est un peu une imbrication dans une intrigue dans l'intrigue, on va dire. Voilà, section 31, pour vous replacer, vous allez comprendre tout de suite. C'est la CIA de l'univers Star Trek. Ouais, c'est la CIA, c'est le côté sombre, on va dire. Qui a quand même plus de moyens que les autres, hein, on va dire, au niveau technologie. J'ai trouvé que c'était quand même plus avancé que les officiers, entre guillemets, de... Les officiers gradés de Starfleet. Oh bah ils ont tout, hein. Ils ont l'occultation, ils ont le clonage, ils ont ils ont pas le vitesse sporique, c'est tout ce qui leur manque. Ouais, c'est ça en fait. Le seul truc qui fait dégueuler tout le monde. Même le capitaine Pike quand il fait son premier saut. quand il fait son premier saut sporique. Ouais. On voit sur son visage, bon. On a eu l'impression d'un client de taxi avec sa mina série. Il vomisse. Et c'est vraiment. Toi, j'avais trouvé que dans la première saison, ça s'enchaînait vite à la fin, et là dans la deuxième saison, ça s'enchaîne encore plus vite que dans la première. Puis après, je veux dire qu'on a un autre gros arc narratif, c'est l'apparition de cette espèce d'entité qui a amoncelé un peu à la manière de V'ger. Hein, alors, tu vois, c'est une entité entre V'ger, entre les réplicateurs et entre les Borg. On dirait un mélange des trois. Alors, les réplicateurs n'ont rien à foutre dans Star Trek, mais tu vois, ça m'a fait penser un peu à ça. Ça, c'est Stargate, ouais. Ils se dépliquent. Mmh. Ouais, c'est le gros méchant, c'est l'informatique. Non, quoi. Je pense que tu confonds. Moi, je te parle de l'entité qui contient toutes les connaissances de l'univers depuis des millions d'années. Oui, c'est vrai, la sphère. Ouais. Quand on ne parle pas encore du contrôle, en fait. On ne parle pas encore du contrôle. Ouais, la sphère, ils vont sauver les informations de la sphère qui refuse de laisser partir tant qu'ils n'ont pas toutes les informations. Et ils veulent justement s'en débarrasser. À cause du détruire. Contrôle. Mais il y a une espèce d'antivirus assez brutal, assez perfectionné apparemment. Bah, pour ceux qui ont vu les Short Trek, c'est ça qui fait déclencher l'intelligence artificielle au-delà de ce que peut faire le vaisseau Discovery. Ouais. Tout d'un coup, il y a le contrôle qui est soi-disant bienveillant et qui prend les meilleures décisions pour Starfleet. Ça aussi, on peut mettre... C'est un système d'intelligence artificielle. Ouais. On peut mettre en doute quand même le principe du truc. Mais tout à fait, tout d'un coup, il lui prend des envies de suprématie et de domination et de destruction de toute espèce vivant dans l'univers, quoi. Bah, d'autonomie, c'est un peu un mélange entre les Kylon et, j'en reviens à ce que je disais, les réplicateurs, les Borg, tout ce que tu veux. Dès qu'il y a de l'IA, de toute façon, c'est forcément mauvais. Ouais. Alors que dans les Star Trek Next Generation, Data était pas forcément mauvais. Quoi. C'est ça, mais bon, là, vraiment, t'as le côté un peu Skynet du truc, quoi. Ah, Skynet, extermination complète, quoi. Voilà, dans chaque partie du podcast, on aurait eu l'effet Terminator. l'entité artificielle qui est pas du tout bienveillante, hein. Elle tue tous ceux qu'elle croise. Comme tu dis, elle est réplicateur, hein, c'est carrément ça. Hein. Pour moi, c'est un peu une copie de cette histoire de Stargate, là. Ils se répliquent pas, c'est-à-dire ils s'injectent dans l'humain. Pour moi, ça fait plus penser à des Borg, du coup. Bah oui, moi j'ai un peu l'impression. Ils prennent possession d'un humain avec les nanomachines. J'avais un peu l'impression que cette histoire d'entité de contrôle, ça avait un peu donné naissance aux Borg. On dirait, franchement. Ça devient un Borg, quoi, parce que il est plus humain, il est une machine, quoi. C'est juste l'enveloppe, quoi, comme un Terminator. C'est ça, ouais, c'est l'enveloppe corporelle. Et il y a des scènes de combat et tout. Alors les scènes de combat sont bien. Là, je peux pas reprocher. Au niveau scénaristique, il y a des trucs qui pêchent, mais au niveau des scènes de combat, franchement, on s'ennuie pas. Surtout le double épisode de la fin, quoi. Oui. C'est vraiment une bataille épique à la Star Trek, quoi. Ouais, puis à la Star Trek, hein, le sacrifice de l'Enterprise, ils hésitent pas, ils veulent pas sauver un vaisseau par rapport à un autre, ils ont un objectif, ils y vont jusqu'au bout. Il y a quand même un problème de rapport de force aussi dans les derniers épisodes. Ah bah oui, à 40 contre 2, ils arrivent à s'en sortir. Ouais, quand même. Ils font durer le suspense, mais pour les besoins du scénario, j'ai envie de dire. Parce que ils n'arrivent pas à contacter apparemment Starfleet pour avoir de l'aide supplémentaire. Ouais, parce que le contrôle a bloqué les communications. Ce qui est un peu... Bon, c'est variable, hein, selon le script. Et donc, ils se retrouvent à deux contre une trentaine de vaisseaux qui sont contrôlés par justement cette entité artificielle. Quoi. Voilà, plus des drones géants, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Et il y a une superbe bataille, c'est vrai. Et heureusement qu'ils ont quand même le soutien de l'Empire Klingon, justement, avec Tyler et... pas l'impératrice, comment on l'appelle... ce personnage, tu sais, de... L'ex-femme de Vaux. C'est dur à dire, là. Ouais, je sais plus son nom. Non, je sais plus non plus. Tyrell, c'est pas Elrel, quelque chose comme ça. Elrel, peut-être. Elrel, ouais. Non, c'est Star Wars. Star Wars. Mais enfin, Ils arrivent à temps et c'est un peu le Deus Ex Machina quelque part. Ah ouais, puis ils arrivent avec les vaisseaux où ils seraient venus en premier, on n'avait plus de vaisseaux dans la Fédération. Ah hein. C'est clair, ouais. Ils ouais. arrivent avec un vaisseau... Il est bastard ce vaisseau. C'est, hein. C'est le vaisseau, je sais pas, on aurait dit l'étoile de la mort. C'est moi je l'ai comparé à un peu un croiseur rebelle qu'on voit dans Star Wars, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est une espèce de vaisseau médical, quoi. Ah, puis c'est le vaisseau, quoi. Il fait 10 fois la taille de l'Enterprise. Il écrase tout, quoi. Il écrase tout sur son. Et de toute façon, il rentre dans le contrôle directement. Et ils arrivent, ils rentrent dans tous les vaisseaux. Tous les vaisseaux. Ouais, c'est vraiment le vaisseau avec qui est prone, quoi, carrément. Ouais, puis la logique à la con, quoi. C'est on n'arrivait pas à vous joindre, du coup on est venu. Ouais, c'est ça. C'est un peu... Ça fait un peu facile, quoi. Ça tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Ouais, quoi. Et puis t'as venu de leur dire, vous n'aurez pas pu contacter Starfleet en même temps, parce que vous êtes ramené qu'un vaisseau, quoi. C'est vrai que cette conclusion... on parlera de la conclusion juste après, parce que sinon, on va terminer en bâclé en 10 minutes. Pour revenir aussi à l'arc narratif de Spock, qui n'est pas très crédible pour moi, c'est que Spock, il aurait tué... Il aurait été interné dans une espèce de cellule psychiatrique et il aurait tué les infirmiers qui étaient venus apparemment pour le tuer. Mais tout ça c'est un peu détourné par le contrôle justement. En fait, il s'est jamais rien passé. Hein, c'est le contrôle qui a créé les images, c'est tout ça. Simplement. Mais Spock, comme, comme quoi, tu vois, au je sais pas combien de siècles, les CGI sont enfin bons. Ouais. Spock a quand même dû se. Il s'est complètement muré, quoi. On voit qu'il est très lié à l'Ange Rouge. Mais il s'est complètement muré dans son état, quoi. Ouais, il s'est muré parce que ça allait au-delà de la logique qu'il connaissait. Donc du coup, il a fait un peu un syndrome d'Asperger, quoi. Il s'est muré, il n'a plus parlé. Bah le personnage de Spock, il est un peu inutile dans cette saison, je trouve. Non, c'est vraiment du fan service. C'est le seul truc qui fait que Pike est encore là. Ouais. Et aussi pour dire, je suis ta sœur, je vais te sauver, quoi. Burnham, c'est tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça fait un peu raccrochage de wagon et faire plaisir aux fans, on va mettre Spock. Bah oui, c'est parce que c'est plein de fins de service dans cette seconde saison. Déjà, t'as le retour de l'entreprise, t'as numéro 1, t'as Pike, t'as Spock, et t'as pas mal de rappels. Je pense à cet épisode où, justement, il retourne sur Talos 4, qui est une planète qui apparaît justement dans le pilote de la première série Star Trek, où il y a Pike et Spock et numéro 1, justement. Et il y a tout ce cheminement qui monte justement... où Pike voit son avenir, où il va finir dans un fauteuil, quoi, finalement. Mais c'est vraiment secondaire, ce sont vraiment des personnages secondaires. Là, c'est Burnham, encore une fois, qui domine le casting, quoi. À part, il y a Saru, il y a l'épisode sur Saru, il retourne sur sa planète. Ouais, mais c'est un épisode. C'est très intéressant, cet épisode, ouais. Même s'il finit un peu brutalement, j'ai envie de dire. C'est vraiment le duo, le tandem Saru-Burnham qui domine cette deuxième saison. Je sais pas si c'est d'accord. Moi, je suis désolé. Encore une fois, Saru, il a pas la place qu'il mérite. Ouais, c'est ça. Voilà. Il est sous-exploité une nouvelle fois. Il est encore une fois sous-exploité. C'est quand même lui qui découvre qu'à l'article de la mort, t'es pas mort en fait. C'est les autres qui se foutent de ta gueule pour te bouffer parce qu'ils ont peur de toi, hein, tout simplement. Ouais. Après, c'est quand même lui qui a quand même les plus grandes manigances techniques pour arriver à créer une situation qui désengorge. Et c'est lui aussi qui arrive communiquer avec la sphère, avec plein de langages différents. C'est souvent lui qui décortique une situation et il n'est jamais capitaine. Alors, j'espère que ça va un petit peu changer pour la saison 3, qu'on va le voir dans le rôle du commandant. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a Saru, il y a Burnham, mais on peut aussi parler des personnages secondaires. Tamet et Tilly, bon, ils restent un petit peu... Ils n'ont pas vraiment d'évolution dans cette saison 2. Non, Tilly, elle sert qu'à faire le rapprochement avec la technologie qu'ils ont besoin, qu'on a vu dans un short trek avec un peuple où c'est une génie de 16 ans qui arrive à créer n'importe quoi et ils font un régénérateur de deutérium infini, en fait. Ouais, c'est pour ça. Pour pouvoir avoir l'alimentation en ressources suffisantes pour faire marcher le truc spatial à voyager dans le temps de Burnham. Et comme Stamets, lui, c'est toujours son rôle, c'est de faire la jonction entre... l'univers réel et l'univers mycélien, quoi. Ouais, il fait le rapport avec... Voilà, maintenant, le mycélium, ça fait aussi le café, hein, parce que ça... Aussi, ils arrivent à ressusciter des gens avec. Donc... Ouais, alors ça, c'est complètement ridicule. Ouais, alors ça, on peut parler du cas du docteur Culbert, quoi. Bah ouais, lui, il est mort, il ressuscite, et puis on le remet dans ses fonctions. Bah, Tagler, putain, il s'est fait agresser pendant 5 ans. Il s'est fait emprisonner, ils ont détruit l'esprit, ils le mettent chef de la sécurité. Culbert, il est mort, il est ressuscité, tout va bien, on va le mettre chef de l'infirmerie. Bah, un peu le problème, c'est qu'on se méfie pas de ces personnages. Et c'est exactement le même syndrome qu'avec Tyler, on ne se méfie pas du Dr. Colbert. Bah, surtout que, voilà, je sais plus le nom de l'être mycélien qui arrive pour dire que Colbert est un danger, tu vois. Tout le monde s'en méfie, machin, et là tu reviens du système mycélien, personne s'en méfie. Tout ouais, va bien. C'est sûr, c'est pas terrible, tu vois, c'est un petit peu des... Facilité. Ouais, des facilités à droite à gauche dans les épisodes, t'as vraiment des trucs qui vont pas, ou bien des raccourcis. Encore une fois, on a l'impression qu'ils ont été pressés par le temps, qu'ils ont énormément de trucs à raconter, mais qu'ils ont pas le temps, alors ils envoient, c'est à toi de t'accrocher. Il y a beaucoup d'intrigues, et finalement, ils sont un peu bâclés, quoi, les intrigues. Ouais, ça fait un peu, on fait monter la sauce, et puis après, on coupe tout le gaz, quoi. C'est ça, quoi. Comme l'histoire avec l'épisode tire-larme, où Saru est près de la mort. Pendant 10 minutes, on nous fait une espèce de cinéma avec entre Saru et Burnham, ouais, t'es comme une sœur, ceci, cela. Il va mourir, quoi. Il est prêt de mourir. Puis non, tout d'un coup, il ressuscite, le mec. Ouais, c'est le syndrome Finn. Fallait qu'il meure pour avoir une bonne fin. non, on le garde. Ouais, c'est ça, quoi. Mais on est content que Saru reste. Pourquoi nous faire du tire-larme comme ça dans les épisodes Tu vois, par contre, il était lent, ce passage-là. Ouais. Et après, dans les parties d'après, tout y va à une vitesse. Tu vois plus rien. T'arrives plus à savoir. Ah ouais, ça s'accélère d'un coup. Hein. Ouais, t'arrives plus à savoir. Et il y avait déjà problème dans la saison 1, dans la saison 2, c'est rebelote. Hein. Et ouais, si on parlait de ces points rouges, c'était en fait pour... Ouais, c'est Burnham, en fait, qui voyage dans le temps. C'est tout simplement bien Burnham qui a voyagé dans le temps pour créer des points de repère, pour aller chercher les matériaux. C'est ça. Et voilà, mais c'est tout. Mais c'est l'espèce de scénario là, du jeu vidéo, finalement. Ouais, c'est un scénario de jeu vidéo, c'est-à-dire qu'à un moment, elle se dit « Ah, bah tiens, et si c'était pas ma mère, si c'était moi qui avais fait tous les signaux, elle rentre les coordonnées ?» Et elle fait tous les bons temporels à la Sangoku en 2 minutes 30, et après, pouf, elle les envoie normalement 5000 ans dans le futur. Alors ça, c'est un peu la lourdeur du truc, c'est le tracteur, on va dire, Burnham. Ouais, Burnham, elle tracte tout le vaisseau Discovery. Pour ouvrir une faille temporelle qui va les éjecter plus tard. Et toi, t'émettais un doute quant à la fiabilité de la manœuvre. Parce que le contrôle, il n'a pas complètement disparu. Bah voilà, le contrôle, c'est une entité informatique, hein, carrément. C'est dans n'importe quel ordinateur. Il y a qu'à se mettre. Voilà, ils disent on va en mettre la machine dans 5000 ans dans le futur. Comme ça, le contrôle n'aura pas accès dessus. Bon, moi, je serai un ordinateur, j'attends 5000 ans. Hein, je ne suis pas en 5000 ans près. Hein. C'est vrai qu'il peut se mettre en pause. Ouais, il se met en pause 5000 ans. Il va faire comme dans les short trek, décaler un vaisseau au fin fond d'une galaxie où personne ne le voit. Ouais. 5000 ans après, il revient et puis il y a ce qu'il veut. Puis il recommence, quoi. Ouais, quand t'es une intelligence artificielle, t'es pas 5000 ans près. Non, mais t'as tout à fait raison. J'essaie de me souvenir un peu les épisodes parce que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Mais il y a des idées qui me reviennent au fur et à mesure. On a parlé des différents personnages, tout ça, Tyler. Bon, l'arc de Georgiou, est-ce qu'il y a on a besoin d'en parler parce que c'est la section 31 Ah, Georgiou, elle est là que pour faire. Ils essayent de faire, tu sais, la rédemption. C'est quand même l'empereur, elle est super méchante, etc. Puis elle sauve la situation en combattant le contrôle, tu vois. Ouais, enfin non. Ouais, mais elle est versatile quand même. Mais c'est une ordure, quoi. Non, normalement, dans l'univers d'où elle vient, plus t'es mauvais, mieux c'est. Et là, tout d'un coup, on essaye de nous faire croire qu'elle veut une rédemption. Pas du tout, en fait, on a rien à foutre, quoi. Le problème, c'est que la direction j'ai l'impression qu'ils pensent au Georgiou d'origine. Ils pensent Georgiou Terre 1. On va dire. Et ils oublient complètement ils oublient Georgiou Terre 2. Le caractère. Terre, ouais. univers miroir, on va dire. Ouais. Georgiou miroir et Georgiou Terre machin. Et ils oublient complètement le mauvais fond qu'elle peut avoir, quoi. C'est ça qui me dérange. C'est l'empereur, quoi. Elle n'est pas là pour faire de la figuration. C'est des opportunistes, quoi. Surtout qu'avant, dans les sections 31, elle est clairement montrée comme voulant prendre la position du mec de la section 31. Elle n'est pas là pour sauver qui que ce soit. Elle est là pour prendre du grade, quoi, entre guillemets, pour avoir plus de pouvoir. Alors, dans la fin, elle est là pour combattre le méchant. Elle est devenue une super-héroïne, quoi, quelque part. Bah, quasiment, ouais, un anti-héros. Quand elle se bat carrément contre un cyborg à un moment, les arts martiaux et tout. Voilà, quoi, elle essaye de sauver la situation, comme tu dis. Quand le docteur Colbert, dans l'épisode du retour du docteur Colbert, t'as pas pensé à un autre personnage qui pouvait revenir dans cet épisode-là? T'as pas pensé à notre ami Lorca, par exemple? Ah si, moi quand j'ai vu une ombre et tout, j'ai dit « Ah, ça y est, ils ont ramené Lorca ». Ouais. Non, c'est Stekelberg. J'aurais préféré Lorca. Ouais, bien sûr. Je le dis honnêtement. Ouais, ouais. Quand j'ai vu Stekelberg, j'ai... Ah, puis c'était génial. Ouais, et... Oui, il peut revenir. Et non, il peut pas revenir parce que... Bah si, il peut revenir quand même. J'ai dit, arrêtez les mecs, il revient ou il revient pas, on va pas les deux. Bah, c'est selon les besoins du scénario, on va dire. Ah, bah, ouais, c'est... ouais. Et comme par hasard, au moment où Stamet avait dit, j'arrête tout, je veux plus utiliser le vitesse porique, je me casse, quoi, entre guillemets. Bon, je traduis, j'abrège un peu. Et paf, il faut revenir Kölber. Ah, mais comme le hasard est bien fait. Ouais, ouais, il y a beaucoup de hasard et puis beaucoup de raccourcis, de facilités. Et là, je pense qu'on peut aborder la phase finale du dernier épisode, où là, on va être d'accord pour une fois hein, par rapport au Discovery dernier épisode de saison 1, où on était un petit peu sur la Discord. On n'était pas d'accord sur la fin de la saison 1. Ouais. C'était Mifig Mirazin, réécoutez le podcast, hein, vous allez vous éclater. Ouais. Par contre, on est d'accord sur la saison 2. Quoi, oui, on est tout à fait d'accord que... Cette histoire de Spock de dire on va oublier que ma sœur existait et que tous ces événements n'ont jamais eu lieu quoi. Voilà, il s'est rien passé. On a effacé la mémoire des droïdes. C'est un procédé qui est assez lucassien finalement. Bah ouais. Donc facile. Bah c'est facile quoi. C'est... En fait ça rejoint ce que je pensais, c'est-à-dire qu'ils se sont pas foulés quoi. Non, puis ça fait ça n'a jamais existé point. Le Discovery a existé, mais on sait pas ce qui est devenu. Voilà. Alors c'est ça qui est bizarre quoi. C'est de la facilité, c'est accorder. Est-ce que tu as éventuellement d'autres reproches à lui faire cette saison là ? Bah moi j'ai surtout le reproche que voilà ce que je dis, que les Klingons ils ont des vaisseaux surpuissants, mais pourquoi ils les montent qu'à la saison 2 quoi ? Parce que t'as vu le vaisseau qu'ils ont, c'est incroyable. Le contrôle, ils arrivent même pas à passer à travers de leur cuirasse du vaisseau. Bah non. Et puis ils arrivent, ils crassent tout, et puis voilà, c'est l'Empire Klingon, nous sommes très puissants. Bah vous avez peut-être dû le montrer une saison avant. Ça me fait penser au vaisseau d'Albator, tu sais, quand il éprend tous les vaisseaux. Ouais, c'est l'ombre de la mort contre un X-Wing, quoi. C'est ça, ouais. Ça fait ça, ça fait c'est l'ombre de la mort contre ça, un X-Wing. Ouais. Puis après, non, par contre, les scènes où le Discovery est défendu par l'Enterprise, c'est top. L'Enterprise prend cher, mais c'est crédible, quoi. Il se met en face des torpilles pour que le Discovery ait encore du temps. Ah oui, il y a quelques stratégies de combat qui sont payantes toutes là-dedans. Les stratégies de Spike sont superbes. Ouais, on voit que le mec est quand même quelqu'un d'expérimenté dans l'art que, du combat, ouais. Ouais, c'est le seul façon, les seuls combats magnifiquement menés sont ceux de Saru et ceux de Spike. Bon, lui, c'est parce que Saru, le côté scientifique, Spike est plus... Et plus un côté militaire. Spike, on va dire que c'est Albator. Ouais. On sait pas où il veut venir, mais il y va et... Paf, ouais. Il manque le bandeau, quoi. Ouais, ouais. Il manque le bandeau. Ouais. Bon, c'est pas un personnage qui aurait dû apparaître. Hein. Je pense que Saru doit être le commandant principal. Parce que là, c'est vraiment Spike qui prend les rênes jusqu'au dernier épisode. Mais tu pourras remarquer que Spike a jamais été aussi efficace que depuis qu'il retourne dans l'Enterprise. Parce que sinon, avant, il n'est pas efficace. Hein. Il fait juste suivre les conseils. Il est juste figurant sur la passerelle de Discovery. C'est emmenez-moi là, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ouais, ça serait bien, etc. Et puis après, il retourne sur l'Enterprise, il fait « Allez les gars, on y va, c'est moi qui commande. » C'est le stratège. Ouais. Il y a une dichotomie dans les deux. Ouais. C'est ça qu'ils auraient peut-être dû faire et dire entre deux, de le faire revenir justement dans les derniers épisodes, vu que c'était le numéro 1 qui avait apparemment repris le commandement temporaire. Ils n'ont pas mis quelqu'un à sa place. Et féminisme, hein, certainement, numéro 1. Ouais, je pense. Hein. Qu'il y a Pike qui revient. Et là, vraiment, il y a plus de... Il y a plus d'action, de tension avec ce personnage. Il y a plus d'importance aussi. C'est vraiment... Il y a plus de scénarios aussi au niveau du combat. Aussi, ce que je veux dire, tu passes d'un combat bourrin, t'as les Klingons, ils arrivent, c'est pas de la stratégie. Ils arrivent, ils écrasent tout. Ah, ils écrasent tout. Ils arrivent, ils écrasent tout, ils tirent dans le tas. Par contre, l'Enterprise, là, c'est du calcul, tu vois. Et là, il a fallu attendre qu'ils retournent dans l'Enterprise pour avoir du calcul. C'est ça. Alors qu'il aurait pu être beaucoup plus calculateur. Bah, dans le Discovery aussi, il y avait de quoi faire. Hein, avec la vitesse sporique, il pouvait faire ce qu'il voulait. Hein. Ouais, aussi, cette vitesse sporique qui posait un peu problème aussi dans la saison 1. Ouais, comme par hasard, elle est en panne là, dans la saison 2. Là, beaucoup. Là, c'est beaucoup. C'est selon les besoins du scénario. Selon les besoins du scénario. Parce qu'ils vont en distorsion beaucoup aussi dans cet épisode, dans cette série, dans cette saison. C'est vrai que c'est quand même très risqué pour Stamets de passer en vitesse sporique. Il faut le dire aussi. Donc ça va être un petit peu aussi le principe de la saison 3. Est-ce qu'ils vont garder ce mode de transport ? Et est-ce que, je pense que j'ai fait le tour pour des différents arcs. Ben, on a abordé aussi les personnages. Non, est-ce qu'on peut peut-être est-ce que cette saison 2 est meilleure que la première ou est-ce que c'est l'inverse ? Non, moi je pense que la saison 1 était... Ouais, c'est dur à dire. La saison 2, il y a quand même des points très intéressants. Mais il y a des trucs qui pêchent, et la saison 1, moi j'ai bien aimé la fin de la saison 1 parce qu'il y avait un esprit Starfleet. On va pas recommencer. Mais par contre, la saison 2, là ils sont partis dans le... Tu vois, il y avait du gris dans la saison 1, et il y a du blanc ou du noir dans la saison 2. Ah ouais, toi tu le vois comme ça quoi en fait. Ouais. Moi je trouve que c'est un peu plus faible dans la saison 2, parce qu'il y a l'effet de surprise dans la saison 1 déjà. Ouais. La découverte et tout des personnages, l'exploitation de l'univers miroir qui est un peu fan de service, on va tu dire. Tu vois, la saison 2, ça fait un peu ah ouais, merde, les mecs, on a ce personnage-là, bah on va le mettre avec une baston avec le contrôle, par exemple. Moi, je pense ouais. À... Ah, et puis ce personnage-là, on en fait quoi? Ah bah t'inquiète, on va dire qu'elle est copine avec celle qui a besoin pour la machine. Mais comme tu dis, t'as l'impression quand même que c'est à partir de la moitié de la saison 2, on a l'impression que c'est Viger versus les Borg. Bah, ça part un peu dans le... Ouais, je comprends pas, moi. C'est un peu le recyclage, quoi. Non, ça part dans la facilité, quoi. C'est ouais, ouais. Je te dis, une IA, l'IA qui fout le bordel, quoi. C'est ouais. C'est ça qui est méchante d'un coup. Voilà. Sans vraiment de raison, quoi. Parce qu'on ne sait pas attaquer elle, quoi. Ah si, tiens, j'ai envie d'avoir tout le savoir de l'univers, mettre par la sphère, etc. Allez, ouais, pour tout détruire, ça n'a aucun intérêt aussi. Ouais, mais non, ils vont mettre le vaisseau dans 5000 ans dans le futur, comment vais-je faire? Bah t'attends 5000 ans, tu te mets sur pause. Bah ouais. Surtout qu'on nous dit bien dans les short treks, ça fait 10 000 ans que le Discovery est coincé dans une nébuleuse, quoi. Ouais. Donc ça va, 5000 ans, ça passe. Hein. Mmh. Donc voilà, moi je trouve qu'il y a des trucs qui pêchent. J'ai moins été intéressé par la saison 2 que par la saison 1. Bon, la saison 1, déjà, j'étais content de revoir un peu Star Trek à la télé. Hein. Donc il y avait déjà de l'enthousiasme. Ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'à part les films de Jurassic Abrams, on n'avait pas eu du Star Trek. Bah, la dernière, c'était Star Trek Enterprise en 2004, je crois. Ouais. Ça faisait quand même près de 15 ans qu'on n'avait pas eu de Star de Trek à la télé. Star Trek. Bon, elle était assez soignée, hein. Visuellement, faut dire que les effets spéciaux sont toujours aussi incroyables. Hein. Bah, visuellement, les effets spéciaux, c'est bon. Hein. Ouais, c'est vraiment très bon. Les scènes de bataille sont... Ouais. Que ce soit dans la bataille des... Les premières batailles dans les 5 étoiles, je sais plus quoi. Ouais. Ou la dernière bataille avec... Ah, tu parles du téléfilm pilote avec Georgiou et... Ouais. Ouais. Mais franchement, ah oui, celle-là, impressionnante. Les batailles sont top, quoi. Ouais, c'est vrai que niveau design, tout ça, on nous propose un univers qui est différent de Star Trek classique. Après, je suis très déçu, parce que dans la première saison 2, enfin dans la première partie de la saison 2, c'est un peu plus exploration, parce que l'Ange Rouge, tu vois un peu des planètes, voilà. Ouais, c'est ce que j'ai trouvé, c'est qu'on revenait à l'esprit Star Trek classique. Voilà, et puis après, fin de saison 2, exploration, te la mets dans le cul et tout. Pas de vulgarité, merci. Mais l'exploration du cul, c'est bizarre comme truc, mais bon. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y avait l'esprit Star Trek qui était revenu à la mi-saison. Et puis après, on repart dans le classique. Dans de la baston. Dans, je dirais, un peu l'esprit à l'Abrams. Il faut du... La baston. Il faut des vaisseaux qui s'entrechoquent. Il faut il faut que ça pète de partout. Du laser et du truc. Et puis, c'est pas intéressant, quoi. Il y a tellement de laser dans la saison 2 qu'on a un spectacle de Jean-Michel Jarre. Voilà, quoi. Ouais, t'as raison, je pense que la saison 1 est bien meilleure. C'était pas la même attente non plus. Hein. Non. Voilà. Saison 3, j'ai moins d'attentes, mais parce que je trouve que les fins suffisent à elles-mêmes. Donc, Puis ça commence à s'essouffler, quoi. Bah après, c'est l'inconvénient. Hein. Plus les saisons vont aller, plus ça va s'essouffler. Bah, déjà, t'as la nouveauté en moins. Hein. Si t'as plus de nouveauté, tu t'ennuies un peu. Ouais, mais dans Stargate, on avait la nouveauté. Mais ils ont quand même. Jusqu'à la saison 7, après. Ils ont quand même duré plusieurs saisons avant que ça s'essouffle. Ouais, non, la nouveauté, non. Enfin, c'est. Bon, après, la fin des Goa'uld, je vais dire qu'après qu'il y a eu les Ori. Bon, c'était de la redondance, quoi. C'était de la redondance. Il y a eu les réplicateurs, il y a eu les Ori. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, c'est tout. Mm. Non. Et il y a eu un rayon laser en plein milieu, en plein dans le pôle Nord. Ah, oui. Parce qu'il y avait une pyramide Goa'uld qui arrive et puis que et qui était en orbite autour de la Terre. Voilà, au moins ça va. Le contrôle n'était pas au bord de la Terre pour la détruire. Non, ça c'est clair. J'ai trouvé ça d'ailleurs bizarre qu'il essaie pas de prendre le contrôle de la Terre, quoi. Non, il veut accéder à la connaissance pour avoir la super connaissance. Mmh. C'est tout, hein. C'est ça, sa motivation, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est faible comme argument, quoi, finalement. Bon, moi, je peux dire, regardez-la quand même. Hein, ouais. Mais il faut aimer Star Trek quand même. Hein. Moi, je pense que vous allez mieux aimer la première partie de la saison 2 que la deuxième partie. Ouais. Puis, faut regarder les deux en suivant, hein, parce que commencez par la 2 parce que vous n'allez rien comprendre. Hein. Ah non, là, vous n'allez rien comprendre. Là, il y a vraiment une jonction entre les deux. Hein, Maintenant, moi je trouve que Star Trek c'est quand même réservé à un certain spectateur. À certains spectateurs, c'est pas du Star Wars déjà, donc c'est un peu plus cérébral au niveau scénario et histoire. Des fois c'est contemplatif contemplatif, tu vois, c'est là où on râle le plus. Voilà, donc moi j'espère quand même que la saison 3 sera pas ennuyeuse, qu'ils nous proposeront quand même quelques nouvelles idées. Bon, on a parlé du trailer, je vais pas en rajouter, mais. dans l'ensemble, je crois qu'on est quand même satisfait de Star Trek Discovery dans l'ensemble. Oui, et puis arrêtez sur Burnham, il y a d'autres personnages qui sont plus intéressants. Oui, et surtout, ne vous occupez pas de Tyler ni de George Wu surtout. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.